Qu'est-ce qui est intéressant? Le suicide, c'est toujours une influence qui vient d'un plan astral inférieur. Ça va mal, tu te parles de ta maison, tu te parles de ta femme, tu es découragé. Mais qui c'est qui amplifie ton découragement? Le suicide, c'est toujours une question d'amplification. Parce qu'il y en a bien des gens qui parlent de leur femme, de leur maison, et qui ne se suicident pas, qui ont des faillites en affaires. Mais si moindrement une personne est influencée de l'astral inférieur, là, le suicide devient une relation vibratoire entre eux autres et toi. Mais aucun homme, il n'y a pas un égo qui se suicide. L'égo ne se suicide pas. Puis la preuve que l'ego peut même pas se suicider. Parce que l'ego est en relation avec l'âme. L'âme ne permettra pas qu'un ego se suicide. Seulement que si l'esprit de l'ego est affecté ou infecté par un autre esprit, l'autre esprit a plus de pouvoir sur l'ego parce que l'autre esprit va passer par l'astral de l'ego, tandis que l'âme a passé. Comme ça, ce n'est pas développé encore. C'est l'astral qui va gagner. Autrement dit, c'est le gars qui est sur l'autre plan qui va être. Tandis qu'un homme qui est en contact avec l'âme au niveau du suicide, ne peut jamais se suicider, qui passe des plus grands que tu prends. Moi, j'en suis un exemple. Moi, j'en suis une maladie mentale, mais jamais j'ai bluffé. Je me disais, si vous n'arrêtez pas, arrêtez pas, mon petit goûter, vous autres, ils rient. Ils rient. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas, parce que c'est eux autres qui run le show. Mais si l'âme n'a pas la connexion avec ce plan-là, à ce moment-là, super, t'es réellement dans une situation difficile où ta résistance psychologique est affaiblie, c'est là que les autres rentrent, c'est là que c'est difficile. Est-ce que tu peux avoir un déclic à un moment donné et dire, bon, parce qu'il y en a qui ont des idées difficiles, mais que Ouais, finalement, c'est parce que l'influence est passée ah. par. Parce que si l'influence devient n'importe, t'as plus de déclic. Bon, oui, pas bien. Une personne peut arriver à un moment donné à avoir des idées. Le gars, là, qui a tiré de patte, là. Ah. Il y a un autre, là, pas celui-là, il y a un autre en Angleterre, qui est The River, là, l'an passé, là. Ouais. Ouais. C'est à quoi ça répond? Il disait, un jour, il travaillait dans le cimetière, là, c'est ça? Il dit, un jour, Dieu, il a dit qu'il fallait qu'il nettoie. Dieu! Ah, ben, il y a la voix de Dieu, t'entends la voix de Dieu, Charlie, tu es dans la bosse. Ça, c'est comme ça, ils se font parler par le Christ. Le Christ te dit, tu connais tout le monde, tu zigotes. Charles Manson, pareil, tu parles de ah, lui aussi. Charles Manson? Non. C'est le Dieu qui parle. C'est une bière. C'est un bière. Oui. Et ça va loin. Mais ça n'a pas un compilion, lui, dans le fond. Il fait la communion des esprits, mais. Il est ouvert, c'est ça, j'ai dit, t'as pas d'être la messe noire. Ouais. Tu comprends, tu commences à lire, tu commences à lire la messe noire, puis tu es où, tu es ça. C'est la messe noire, oui. Donc, il y a une relation avec ces entités-là. Ils font penser n'importe quoi. Tu sais, quand je parle, je reviens d'où ces échecs, hein? C'est un grand funébrose, hein? Dans le domaine d'une vertu de l'esprit de l'homme sur d'autres, hein? Tu comprends? Faut que tu fasses attention. Faut que tu saches avec qui tu parles, Charlie. J'aime les liens. Il est arrivé, là, hein? Il a ses conférences. Miguel, oui, il a parlé à la télévision hier. Ouais, c'est un petit peu de parler quand il a vraiment été en contact. Ah, il a suivi son expérience. J'ai mis des points à donner les conférences. Miguel avait une grande expérience à passer sur le voisin. Personne ne va parler de son expérience. Chacun a son expérience. Il faut qu'on soit extrêmement intelligent. Puis être intelligent, c'est être sûr de soi. Avoir du discernement. Sûr de soi. Quand tu n'es pas sûr de toi, là, c'est parce que tu manques d'intelligence. Et là, elle ne se manifeste pas. L'énergie passe. Ça crée des frustrations. On commence un peu à toucher le mouvement. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose, un téléphone. Oui, ah, ben, je vais le suivre. Comment ça se sentit, le mouvement? Oui, tu disais. Pour le 28 cette semaine, une dame qui appelle, c'est collectif, elle a fait un cadeau. Pour que je peigne une scène avec un taureau, puis un homme de karaté. Puis le mouvement, puis l'encourage. Puis c'était une copie, puis moi je me reproduis. Bon, quand je fais une toile, je fais de la recette. Puis la fin, là. Par récupération. Je peins pas tout le temps. Moi je peins un vin d'artiste, puis qui est lourd, je peins, puis je peins. Puis je sais pas comme ça. J'ai un mouvement, je suis là, puis je commence à peindre. Ouais. Puis là, quand j'ai regardé l'image, je me disais, bon, OK, vous l'avez fait à pied, elle est venue à porter son lit, parce que je passe ça. Puis je regardais ça, mais les couleurs de violence qu'il y avait autour de ça, l'animal est là, la domination qu'il y avait dans ça, là. Parce que c'est un taureau, qui, l'animal dominant, et le ceinture noire, les forces. Puis je regardais l'entour, je me disais, pas du tout. Je vais le faire, je vais le faire. Fait que je vais donner une réponse si les gens acceptent de pour le faire un collet. Que tu fais? Je dis, d'accord. Ça fait deux jours, puis après, elle me dit non. L'espoir, c'est quand elle dit que ça ne marche pas, tu viens de dans le fond, je ne voulais pas le faire, mais si le mouvement était fait pour, je l'avais. Mais ça n'a pas répondu. Ça n'a pas coïncidé avec ta respiration. Parce qu'il y a un mouvement que tu découvres. Ouais. Sans ça, tu vas te bloquer tout le temps. C'est pas le mouvement. Ça prend bien les choses. C'est sûr. Il faut apprendre à faire les mouvements. Puis il dit que les gens, d'ailleurs, avec le temps, les gens deviennent sensibles aux mouvements. Là. Quand tu deviens bien, ça va loin dans la vie. Le mouvement, là, ce qu'on appelle le mouvement, c'est la relation vibratoire entre l'âme et l'ego. Puis plus tu es sensible à l'âme, plus tu sens le mouvement. Plus tu sens la relation vibratoire entre l'âme et l'ego. Ça va, là, ça devient tellement subtil, là, que il peut se. Il, le mot. Tu peux avoir les mouvements, là, que c'est, faut, il faut absolument que tu fasses ce mouvement. Ah, ok. Tu viens de balancer une vibration. Puis quand tu es dans le mouvement, là, quand tu es dans la vibration de l'âme tout le temps, tu peux jamais être frustré parce que tu as toujours quelque chose à faire. Même si c'est ça. Comment? Tu viens de faire quelque chose? Hein? C'est bien vrai ce que tu dis. Ça va très bien. Pardon? Non? Mais ça balance des énergies. C'est pas que ça soit toujours bien. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ça devient bien. Ok. L'énergie de l'âme dans l'ego n'est pas toujours créatrice. L'énergie de l'âme dans l'ego, elle est créatrice seulement quand l'âme doit créer pour créer à l'extérieur de l'ego un mouvement. Mais peut-être informatrice. Ouais. Informatrice. C'est ça. Informatrice. Quand l'âme devient informatrice, là, c'est plaisant. Mais le mouvement de l'âme dans l'ego n'est pas toujours créateur. Souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, le mouvement de l'âme dans l'ego est purement vital. Puis s'il n'y a pas de balance entre le vital et le créateur, à ce moment-là, tu peux te débalancer. Il y a des gens qui sont toujours dans le mouvement créateur, mais ils ne sont jamais dans le mouvement vital. Fait que autrement dit, éventuellement, ça marche pas, ce patron-là. Faut que ça se repose, cette affaire-là. C'est une illusion, ça, de penser qu'on doit toujours créer pour avancer. C'est une très grande illusion. Oui. Très grande illusion. Très grande illusion. Moi, quand je donne des signaux en fin de semaine, là, lundi, je fais jamais rien. Pas parce que je peux rien faire, parce que si j'avais à faire quelque chose, je le ferais. Ben, je fais absolument rien. Mardi, je fais absolument. Mercredi, je commence à faire quelque chose. Mais lundi, je fais rien. Je vais ouvrir ma femme. C'est notre journée de sortie automatiquement. Ça rentre dans le mouvement. Ça en sort, je prends toujours dans le créateur, créateur. Je ferai rien de ma femme. Je l'amènerai pas chez toi. Je dis, ah oui, tu m'amènes pas chez toi. Comment? Fait que je ne balancerai pas le créateur avec le vital. Fait que ma femme souffrirait de mon état de mental. Pas bon. Faut que ma femme s'amuse aussi. Ou je devrais être seul et celle de terre. Il est bien important ce cas-là pour les hommes et les femmes. Parce que quand tu deviens créateur, ça, ben, je suis content que tu demandes ça. Quand tu es inconscient, c'est ce qui arrive. Quand tu es inconscient, tu as des gars, là, c'est toute la patate. Là, ça travaille le soir au bureau. Il y a un point que j'ai oublié de faire. Tu sais, de la compagnie, puis la compagnie, puis les parties de compagnie, puis les conventions de compagnie, puis les voyages de compagnie. La femme, éventuellement, elle vient adopter un cul. Le gars, il s'en va en Floride. Il lui sait avoir un petit deux semaines en Floride. Là. Bon. La compagnie l'appelle, il faut qu'il retourne à New York, tu sais. Ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de balance entre le vital et le créatif. Ça, c'est une très grande faute de l'ego. Ça, c'est le corps de désir. C'est le manque de discernement. Mais est-ce que tu ne deviens pas responsable? C'est l'incapacité de vivre la frustration. Vibratoire. C'est pour ça que c'est important, la frustration vibratoire, parce qu'un jour, quand tu l'as connu, cette affaire-là, puis tu la vis, la frustration vibratoire, là, tu fonctionnes, ça marche, t'as pas de frustration, là, d'un coup, ça arrête, là. Là, t'as plus de frustration, là, même dans le repos total. T'as rien à faire, tu fais rien, sinon avec ta femme, ça blague, tu fais rien, y a rien, ça marche plus, c'est arrêté. T'es dans le vital. Il faut que tu aies une balance entre le vital et le créatif. Puis l'âme va vous amener à ça. Puis au début, ce qui arrive, c'est que la vibration mentale est tellement forte que tu veux créer, puis tu veux monter, puis tu veux construire. Puis tu veux 200 000 à l'heure. Mais éventuellement, ils vont vous amener par la patience à pouvoir aussi rien faire. Parce que la créativité de l'âme, elle est active soit dans le créatif ou soit dans le vital. Dans le vital, avec créatif, créatif au niveau de ta santé physique, ton peau, tes organes. Puis dans le mental, dans le créatif, elle va balancer les vibrations au niveau du mental supérieur. Fait que tous tes sens sont balancés. Mais tu ne peux pas tout être dans le mental. Il faut que tu décroches de temps en temps. Puis tu peux tout être dans le vital. Parce qu'il faut que tu crées de temps en temps. Puis l'équilibre entre le mental, puis le créatif, puis le vital, en relation avec l'âme, c'est essentiel. Sans ça, vous allez vous brûler. Il dit qu'il faut savoir ne rien faire et ne pas souffrir. Savoir rien faire. Ouais. Il faut savoir rien faire. Ouais. Puis ne pas souffrir. Et ne pas souffrir. Il ne dit pas être capable de rien faire. Savoir rien faire. C'est une science de la psychologie de l'art. Quand tu sais rien faire, ça veut dire que tu sais que tu dois arrêter parce que ça balance tes vibrations au niveau vital, puis ça te permet de conserver ton corps matériel, conserver tes organes. Tu régénères ton énergie. Tu régénères ton énergie. Comme ça, tu ne travailles pas accompagné pour la compagnie 45 heures par semaine. Puis, avoir une crise cardiaque à 45 ans. Oui. À cause de ton devoir. Là, tu es à l'écoute. Là, tu es à l'écoute. Bon, tu ne peux pas être autrement qu'à l'écoute. Quand tu parles du même. Quand tu parlais de créativité, ben. Parce que c'est là, c'est ta vibration. Comme moi, je sais que tu parles à soi, je trempe. Quand je trempe, j'ai bien l'énergie commencée à faire la soin. Bah, bah, bah, bah. Et après ça, ça tombe bien. Moi, je le vis, mais quand ça tombe, je... Fait que là, je tombe dans le vital, je pense pas. Puis, avant, ça me fatiguait, parce que avant, j'avais plus parlé de l'hiver. Ben là, je fond descendre, là, je vais reposer un petit peu. Ça fait que je remonte. Vous remarquez que ça remonte, ça, que ça remonte. Oui. Voilà, le vital gratuit, le vital gratuit. Fait comme ça, je me brûle pas. Moi, je suis plus ça, mais... J'ai travaillé hier et j'étais bien occupé. Je continue à parler, mais sans ça, tu te brûles. Tu peux pas. Puis il dit que c'est dur d'arriver à vivre l'équilibre. On a commencé à parler, moi, de Michel, en fait. À un moment donné, je me souviens plus ce qu'on disait, mais en tout cas, ça a été quoi? Là, je dis, je cours. Mais non, je veux savoir. T'as parti, je veux savoir. Oui, moi, mon égo, j'aurais voulu poursuivre. C'est pas le thème. J'arrête. Je commence, ça fait une fois que je me suis dit. La frustration. Arrête. Mais là, je s'entends à moi que j'aurais voulu poursuivre. Je suis remontée, puis ça va rentrer. C'est le fun. Ah, ah oui, là, ça marche. Ah, oui, ça marche. Parce que dans le vital, c'est pas le fun de rien. Ouais. Ben, c'est intéressant. Ah, c'est subtil. Ouais. Tu me regardes la créativité. Est-ce que tu ne deviens pas responsable de ce que tu crées? Quand tu crées consciemment, quand tu crées consciemment, tu crées consciemment. Puis quand tu crées consciemment, tu peux jamais te détruire. Mm-hmm. Fait que tu es toujours responsable. C'est ça. Tu es responsable. Ah, fais attention. Non, c'est pas être responsable de quelque chose dans le sens de la qualité de responsabilité découle du fait que tu es conscient. Mm-hmm. Mais tu te sens pas responsable. Non. Mais la qualité de responsabilité, autrement dit, l'équilibre entre ce que tu fais et ce qui est donné, qualité de responsabilité découle de ta conscience. Parce que si tu commences à penser des responsabilités, mais là, tu commences à penser à des attitudes, c'est pas bon. C'est ça. C'est les bouts de l'ego. Ouais. Moi, si Glenn me manque toujours à la télévision, j'en parle pas. C'est une humour qui me manque toujours sur l'avortement. J'en parle pas. Tu peux l'empêcher de créer des remous pour rien. Ça, c'est la qualité de la responsabilité de la conscience. Ça favorise la perfection de la conscience. Et moi, je ne peux pas commencer à me sentir responsable en parler ou de ne pas en parler. Moi, je suis vite. La vibration arrête, ça. Si tu ne veux pas en parler, dis non. Arrête. Une responsabilité, pas de responsabilité, ça ne pas. Mais la qualité de la responsabilité envers l'homme, les gens qui seraient bouleversés, est maintenue. Et ça revient au fait que quand tu fais quelque chose collectivement, c'est pas toi qui es responsable de ce que tu fais. Tu canalises. Sans ça, si tu es responsable de tout ce que tu fais, tu raises un pauvre et pèses un peu. Tu commences à m'inquiéter du monde qui passe par des changements vibratoires et qui capote. Qui sont sur le point de capoter ou qui ont peur de capoter, puis là, bon, tout d'un coup, il capote, puis d'un coup, elle capote, puis je peux aller. Souvent, je chante l'affaire de la responsabilité, l'illusion mentale ou psychologique de l'ego envers la responsabilité. Je ne pourrais pas faire ce que je fais. Tu détestes. Je serais toujours inquiète. Je dirais, mon mère, elle est correcte, je peux y parler. Lui, il est correct, je peux y parler. Elle n'est pas correcte, je ne peux pas y parler. Fait que là, j'empêcherai automatiquement les personnes de passer par leur expérience. Tu donnes et tu détaches tes résultats, c'est plus ton affaire. En somme, c'est... Quand tu donnes consciemment, tu es détaché de ce que tu fais. Ta conscience te permet de savoir que ce que tu fais, c'est ça. Si ça passe, c'est correct. Si ça passe pas, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie. Sans ça, tu ne pourras pas. Le gars qui s'est suicidé là, parce qu'il disait à mes textes, je commençais à me sentir, c'est pas grosse de même. Hein? Surtout quand je les ai avertis de pas lire mes textes. Si les gens ne m'écoutent pas, c'est pas ton problème. Quand je parle au monde, les gens, ça fait plus. Fait que ça, on sait. Quand tu lis mes textes, c'est pas bon. Quand quelqu'un est fatigué, l'ego est frustré comme en résultant de ça, parce qu'il ne comprend pas rien. Si la personne n'a rien à faire, elle n'a pas d'énergie, elle devrait pas s'en faire. À ce moment-là, elle ne peut pas être frustrée. Mais si elle s'en fait, elle va être frustrée. D'abord, plus vous conscientisez, plus vous perdez votre énergie. Parce que plus à mon titre, j'ai déjà dit ça, je suis sûr qu'il y en a des hommes qui sont moins forts que les dames. Mais les dames sont moins forts. C'est normal. De chambre, parce qu'avant, vous boostiez astralement, mais une fois que l'astral chambre, tu ne peux plus te booster astralement. Fait que tu es moins fort. Tu peux faire des rangs d'autobus aussi longtemps. Les voyages commencent à être longs. Les gars, tu comprends ça? Tu t'en fais pas. Quand c'est bien, bien souvent, c'est parce que votre santé n'est pas très forte. Puis vous devez prendre ça aussi. Ça vous protège. Je vais vous dire une chose. Il dit qu'avec notre meilleur volonté au monde, on est sans le sein. Avec notre meilleure volonté au monde, on est sans le sein parce qu'on ne réalise pas la relation entre eux autres et nous autres. Fait qu'on se blâme tout le temps. Puis là, on remplit notre situation. D'abord, il n'y a pas de raison de quoi ça va être. Pas de raison. Parce que même si vous n'avez pas la force, la résistance, vous avez des grosses affaires. Vous avez assez d'énergie intérieure pour vivre une vie plaisante. Calme et simple. Accroche-vous à ça, puis tu fais ça. Mais ça va vous forcer à vivre la vibration, la frustration vibratoire. La frustration, mais vous allez vivre une vie plaisante, simple et calme, ça va être. Bien. Vous allez être bien. Sans ça, vous allez vous concentrer, vous allez. C'est comme un warning, Seigneur. Quand il t'empêche, quand il te l'enlève, ton énergie, comme des fois, vous êtes après à conduire, ou l'on fait tout d'un coup, vous sentez fatigué tout d'un coup. Une fatigue de tout d'un coup. Là. Ça, ça veut dire pas de coucher, genre. Pose-toi, arrête. Il pognait toi, 3h après-midi, il y a une fatigue. T'es au bureau, une fatigue. Mais t'es pas supposé être couché au bureau, t'es pas grave. Donne des dents. Mais si t'es chez vous, le mouvement naturel serait être couché. Mais on vit toujours en dehors de notre mouvement naturel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne demandez pas pourquoi les gens sont malades. C'est parce qu'on picanait. C'est pas que les gens sont malades. Il dit, sans ça, les gens ne seraient pas malades. Aussi, je vais un peu, vous allez me dégager pour faire ce que je voulais faire sur l'ego. Je vous dis, c'est pas l'ego. C'est des chargements inflammatoires ou du corps astral. Plus vous allez aller, plus ils vont vous mettre la mettre à terre. Fait qu'il est temps que vous compreniez que c'est bien naturel pour vous amener dans la frustration vibratoire. Vous avez la vie, la frustration vibratoire. Vous avez des vrais frustrés. Là. Ouais, mais vous n'étiez pas dans la frustration vibratoire, mais vous étiez dans la frustration psychologique. Grosse différence. Quand tu souffres, on n'entend pas un mot. La façon que toi tu vas réagir, qu'elle peut réagir ou qu'elle peut réagir, c'est deux façons différentes. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. quand tu peux être créatif, puis tu sens que tu peux faire quelque chose, puis tu es bloqué, puis tu sens que tu peux faire le drop, puis tu n'es pas capable de le faire. C'est fatigué. Parce que sais-tu qu'est-ce que c'est le grand plaisir de l'ego dans la vie, tu le crées? C'est-tu que l'ego qui crée, c'est l'ego heureux? Puis il dit qu'un ego qui crie est plus heureux que l'ego qui se repose. Parce que l'ego qui se repose, il a l'impression de partir en fait. C'est sûr qu'on veut toujours bouger. C'est sûr qu'on veut toujours bouger. Mais l'ego ne peut pas toujours créer. Parce que faut qu'il se repose. Ça, moi, quand je me repose, je vais pas me reposer, mais dans une chaise, je suis pas capable, parce que c'est la chaise, je suis assez éveillé pour créer. Qu'est-ce que je vais faire, même bouger? Je prends une douche chaude, je me couche. Fait que si ça marche pas, ça, je dors. Allez. Quand je me lève, je fonctionne. Faut que je fasse quelque chose. Je suis pas capable de rester à l'air. Faut que je fasse quelque chose. Mais tant que ça arrive, c'est fait, je me sens prêt, je m'écoute. Ça, c'est parce que je n'ai jamais fait. Ah, c'est à mon compte. Bernard, les migraines, c'est ce que vous voulez. Les migraines? Il y a trois sortes de migraines. Il y a les migraines qui proviennent du fait que l'énergie de l'âme est mal canalisée dans le mandat. Et les migraines qui sont liées à l'anxiété profonde de l'ego. Puis il y a des migraines qui sont le résultat d'un débalancement physiologique comme ça. Donc, c'est une des trois. C'est l'âme et l'ego, ça s'arrange. Si c'est l'anxiété, ça s'arrange. Puis si c'est le cerveau qui est défectueux, à ce moment-là, change de les gens qui sont psychiques, les gens qui deviennent conscients, qui se conscientisent, ont su d'avoir des migraines. Pas d'eux, c'est vrai. Un logiciel comme un diable, on a eu des migraines. Ça c'est bien souvent. Des maux de tête. Pas seulement les migraines, tu parles des maux de tête. As-tu encore des maux de tête? Ça c'est bien les migraines. Ça c'est l'ouverture là-dessus. Ah, bon, parce que Bernard, les brûlements ici, quand ça brûle ici, c'est un symptôme physique. L'activité. Vos migraines chez vous? Vos migraines, c'est lié à l'énergie. Non, ça peut revenir de temps en temps, mais éventuellement satisfait. Mais non, il n'y a pas de cause physique. Pendant qu'on parle des migraines, là, ça c'est bien intéressant. Il y a une sorte de souffrance, que souffre ou que doivent souffrir ceux qui sont conscients, ceux qui sont sensibles à l'énergie de l'âme. On est tellement plus conscient. C'est immédiatement. On a des rêves qui ont accès à l'immigrant. Ça, ça fait partie du fait que le pinéal, quand l'énergie descend et qu'elle rentre par ce centre-là, le pinéal est un centre tellement sensible. C'est comme s'il explose. Tu sais qu'il peut avoir ça le pinéal. Tu peux avoir ça le pinéal. C'est comme si l'énergie descend, comme si ça explose. Puis l'étang plus bas, l'explosion n'est pas aussi grande. C'est pas aussi. Les autres chakras. Je veux continuer dans la frustration. La frustration chez les enfants. Les enfants sont beaucoup frustrés, mais ça par rapport. Alors, chez les enfants, souvent, la frustration, soit qu'elle reste en dedans, ou qu'elle se manifeste par des actes quelconques. Des actes qui ne sont pas toujours bien sains. Réaction. Il dit qu'avec nos enfants, on devrait être patient. Le remède, là, avec des enfants, parce qu'ils sont trop jeunes. Puis, tu peux pas toujours leur organiser le cadran. C'est pas de leur faute. Il dit avec les enfants, parce que tous les êtres vivent la frustration. Avec les enfants, il faut qu'on soit patient dans leurs activités qui sont un petit peu jusqu'à un certain moment. Quand c'est un petit peu trop, là, quand ils vont rentrer dans le jeu, ben là, tu vas faire. Parce qu'il faut en mettre quelque part la hache quand ça va trop loin. Mais il faut être patient avec les enfants. Parce qu'il dit que la frustration chez les enfants, si on n'est pas patient, elle crée en lui de l'anxiété. Cette anxiété-là, éventuellement, elle devient comme un tableau de fond qui va servir plus tard à se déévaluer. À se diminuer. C'est bien délicat l'affaire de la frustration enfantine. Puis un enfant devra toujours s'évaluer. Même se surévaluer. Mais pas se dévaluer. Donc, il va, ça va s'égaliser, nous. Parce qu'il va mal partir dans lui. Parce que si. Bon, c'est évident. Parce que là, il n'y a plus que le travail, il est dans la crainte, dans l'anxiété. Il va se faire manger. Il va se faire manger, c'est tout. Les enfants, il faut qu'on soit très patient parce que les enfants fussent comme les adultes. D'abord, ils n'ont pas le libre choix. Si tu peux parler au fils, je ne sais pas, c'est pas. Mais papa. C'est une bête énorme. Parce que les enfants ont droit d'avoir. Les enfants ont droit d'avoir ce qu'ils ont besoin pour balancer leur vibration comme les adultes. Le père, s'il veut fumer son magasin de cigarette. Fait que le petit, lui, il fume pas. Mais il a son affaire. Peut-être que ça y prend des crayons rouges. C'est au père qui a acheté des crayons. C'est pas gâter un enfant. Il y a une différence entre gâter un enfant et donner ce qu'il a besoin pour balancer ses vibrations. Puis on doit balancer les vibrations de nos enfants. Parce qu'ils ne sont pas capables de les balancer par eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir financier. C'est dur de sentir. À sentir. Puis il dit une chose concernant l'argent. Il dit que les enfants devraient donner des petites scènes de temps en temps. Ouais. Vous devriez leur donner des petites scènes pour dépenser. Je fais ça bien. Qui manage leurs petites scènes à leur goût. Tu vas pas lui dire, tu vas faire ta dette, tu vas faire ta... Non, c'est deux affaires, eux autres. Tu vas faire avec ton argent? Oui, enfant. Il dit qu'un enfant, c'est un petit adulte. Comprends-le une fois pour toutes. Donne-le les petites scènes. La liberté de dépenser. C'est des bonbons, c'est des bonbons. C'est suicide, cette affaire-là. Ça a l'air bien niaiseux, ce que je vous dis, c'est bien important pour nos enfants. Les enfants, des petits adultes, qu'on leur donne des petites sœurs. Il y a des parents qui donnent des petites sœurs à leurs enfants qui sont rendus à 25 ans. Ou bien qu'ils leur en donnent et qu'ils se mettent aussi à la banque. À la banque. Les femmes ont un chèque d'allocation familiale. Ah, il y a tout ça, puisque pour entre-temps, ça n'arrête plus ça. De ce point-là, ils font, je ne sais pas pourquoi, dans le cas de faire. Donnez aux nos enfants des petits sacs. Pas tout leur dire, non, non, non. Tout, pas tout les mettre sous notre. Ça, de plus. Sans ça, on empêche leur égo de se manifester, de se colorer, de prendre l'expérience. C'est là la frustration. Puis les enfants souffrent plus de frustration qu'on s'imagine. Plus qu'on s'imagine. Seulement, ça parle à part. Quoi. Parce qu'ils ne comprennent pas la frustration et ils ne peuvent pas se l'expliquer à eux-mêmes. Ils en souffrent pas psychologiquement, mais ils en souffrent émotivement. C'est des petits adultes, des enfants. Mais souvent, ils sont bien plus conscients que les adultes. Ils ne sont pas conscients. Mmh. Non. Ils comprennent bien des choses. C'est temps. Ils comprennent bien. L'enfant, ça ne comprend pas. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. L'ego n'est pas développé. Mais ils sentent. Ouais, ouais. Prenez les enfants, ils ont leur amour propre. Puis les familles là, qui ont tendance à passer les bottines de l'un à la bottine de l'autre, faites attention. Du moins que les bottines sont comme du monde, mais quand les bottines sont plein de trous, là, allez chez Yellow Shoes, puis en vendre des souliers pour 2,99$. Au moins, ils vont être neufs. Pour l'enfant, ils sont neufs, les bottines. Moi, tu vas payer 2,99$, c'était pas d'argent. Au moins, lui, il y a des bottines neuves. C'est toute la psychologie. On n'a pas de psychologie. Aimer les enfants, il dit, c'est les voir comme on voudra être nous autres dans leur art. Avec ce qu'on sait. Ah ouais. Les voix. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça marche? Les voir comme on voudra être à leur âge avec ce qu'on sait. Ça, c'est aimer un enfant. Il dit ça, c'est la définition 360 degrés d'aimer un enfant. Fait que cassez-vous pas la tête avec l'amour des enfants et la fête d'amour. C'est tout aussi simple que ça. Parce que de ça découle toutes vos actions, intelligence, on va dire. Parce qu'il dit qu'un enfant qui est frustré trop longtemps, surtout s'il est frustré là, jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, là, éventuellement sa frustration va tourner contre ses parents. Parce que la frustration brime sa liberté, fait qu'il va aller chercher à l'extérieur. Puis il dit qu'un enfant qui n'est pas frustré, il grandit puis il veut rester avec ses parents. Le plus longtemps possible, parce que c'est avec eux qui est mieux. Parce que c'est avec eux qui peut communiquer le plus. Un enfant peut communiquer bien plus avec ses parents qu'avec des étrangers, ou même des enfants étrangers, si les parents sont intelligents. Si les enfants et les parents sont en même longueur d'onde, l'enfant va rester avec eux, où il se trouvera une blonde ou un chum, puis il partira, puis ça lui fera de la peine de partir. Ça dépend du caractère de l'enfant. Si l'enfant exige psychologiquement d'être rémunéré, il faut que tu le rémunères. S'il n'exige pas, à ce moment-là, le problème n'existe pas. Mais s'il exige, d'une façon ou d'une autre, d'être rémunéré, tu dois le rémunérer. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. Mais est-ce que tu dois l'obliger à faire le travail ou lui dire simplement si ça te tente, tu vas faire ça? Ça te tente, tu vas l'amener plus à faire le travail que si tu l'obliges. Faut que tu sois poli avec lui et que tu donnes le respect de ta demande. Parce que rendu à 14 ans, un enfant, c'est pas un enfant. C'est un petit homme qui se connaît pas encore. Parce qu'un enfant, c'est pas un commis voyageur. Puis il y a bien des enfants qui sont traités comme des commis voyageurs. Va me chier bouter de l'air, va me chier ceci. Tu viens d'après quoi que c'est trop, la première chose qui se fait dire, va me chier bouter de l'air. Tu viens de briser ta vibration, petit gars. Tu le frustres. Yeah. Quand vous êtes venu, vous autres, vous demandez aux enfants de cogner la porte avant de rentrer. Et vous ne faites pas l'over. Ah ouais, non. Moi, je vous parle de ma propre expérience avec ma fille. Puis, quand je demande toujours, moi, j'ai un. Pas trop. Avec ma femme, elle va c'est pas okay. Mais ma femme, elle m'a dit, elle m'a demandé, elle respecte cette personnalité. C'est ça qu'elle a fait. Si je sens trop son ego, là, trop, parce que ma fille est égoïste, c'est là-dessus. C'est trop. Si, elle n'est pas vénéreuse. si elle est pas trop avenant envers ma femme, là, à un certain moment, je vais faire. Je vais faire voir ce qu'il faut y voir. Parce que le tempérament, ça se forme. Le tempérament, puis le caractère, c'est comme une fleur. Puis il faut que ça s'épanouisse. Si ça ne s'épanouit pas, à ce moment-là, c'est pour rien. C'est avec moi, mais tu sais, le bonhomme. Mais j'y demande. Je l'appelle Titine dans ce temps-là, mais tu n'es pas Christine, je dis Titine. Tu te rends le tien, c'est le fils à papa. Là, je suis à son égo. Bon. J'en fais le propre. Les enfants souffrent énormément de frustration. Énormément. Si les parents sont trop bien, tu sais, des bons parents, tu sais, la vieille génération des principes, des bons parents. Souvent, les enfants vont être frustrés. Parce que les enfants vont avoir été éduqués d'une façon tellement bien, tellement correcte, tellement gentille, qu'à un certain moment, ils auront la crainte d'agir. C'est subtil, la frustration. Des parents. Ben, c'est subtil, la frustration. Fait que c'est pas. C'est bien subtil, la frustration. Comment ça y est, ça, la Il dit qu'un enfant, il faut que ça soit amené rapidement à se reconnaître. À se mesurer. À se reconnaître. Rapidement. Puis pour qu'il soit amené à se reconnaître et à se mesurer, il faut qu'il soit donné constamment des outils. L'outil sert simplement à faire descendre une vibration qui l'amène à se reconnaître. Si tu enlèves l'outil, cette vibration-là descend. Comme ma petite, moi, elle aime bien ça, des crayons de couleur, elle en a 56 000. Je pourrais bien rationaliser, puis dire, Titine, t'en as 56 000 crayons de couleur. Elle va dire, papa, je l'aime. Mais je n'ai aucune couleur. C'est subtil, hein? Moi, quand ça m'arrivait, parce que tu es un enfant, quand tu es contacté, tu n'as pas l'expérience de l'enfant. Tu es cool, c'est vrai. J'arrivais à un magasin, elle me disait, papa, elle me disait, j'aimerais ça d'avoir un billet rose. Je disais à Juju, c'est vrai que c'est qui se passe, elle avait un autre crayon de couleur, il dit, tiens, ça coûte un 15 cents. 15 cents! Tu y fais. Se sentir. Dans le 10 ans, maudit crayon de couleur. J'ai acheté un crayon de couleur. Elle se sentait important. Elle se sentait que si elle demande quelque chose, elle a une réponse. Puis c'est bien intelligent, l'enfant. T'sais. Les enfants sont pas aussi. Les enfants sont pas aussi. Manquent pas autant d'intelligence qu'on pense. À un certain moment, ils n'ont pas de centre d'horaire. Là, tu es obligé de leur expliquer que pour père, il n'y a pas d'argent pour t'acheter ça tout de suite. Peut-être tout à l'heure. Mais Nick, tu chaudes. Ils vont te mettre, ils disent oh, mais si tu n'as pas d'argent, papa, je vais te prêter à la mienne. Elle t'achète pas un expérience. Elle va t'aider avec son deux doigts à acheter un piano. Mais dans son esprit, c'est ça. Attends. Ça fait même pas bien. Tu fais les choses. Ça fait même pas bien. Il y a un enfant dans lequel on diminue la frustration quand il est petit, là, quand il arrive à l'âge de la puberté, là, il commence à découvrir sa sexualité normalement. Normalement. Puis là, là il est prêt à rentrer dans la vie. Parce qu'un enfant est prêt à rentrer dans la vie à 14 ans. Mais lui est frustré. Là, là quand il arrive à la puberté, là, il est tout blanc. Parce que c'est une vibration en frustration. Puis quand il est petit, pour lui, c'est une vibration. Puis c'est pas interprété psychologiquement encore, c'est plus tard. Que là, ça crée un blocage dans l'esprit. Puis là, quand ça arrive, là, la grosse patente de la sexualité. Regarde la frustration continue. 21 ans, 25 ans, 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de nos enfants, c'est parce qu'on a des enfants, puis c'est important qu'on comprenne comment on doit les élever pour qu'eux autres soient heureux plus tard, puis que nous autres, on soit bien avec eux. Il dit de nous rappeler que les enfants sont des petits adultes. Fait que pensez pas que des enfants, c'est des enfants. Des enfants, c'est pas des enfants. C'est des petits adultes. Et subtil. Comme si on vit en attente de l'intérêt vital. Non. Il dit attendez pas l'intérêt vital. Il dit fais vos affaires. Vivez la frustration vibratoire.